je débarque dans l'heure. C'est pas qu'une nuit d'hôtel. C'est dur de marcher tranquille. On a reconnu nos têtes. On sera jamais dans l'heure. Bye communautaire. Je suis high comme une OD. T'es fly comme une hôtesse. Tu te nourris de la douleur un peu comme Amy. Tu m'aimes et tu me fais plus de mal que mon ennemi. Bébé, jamais je ne lèverai la main sur toi. Mais mon cœur cogne. Ton corps contre ma bouche est comme le fusil de Kurt Co. Tu sors après minuit car le diable t'a offert un carrosse. Enlève pas l'élastique de ton chignon pour te faire un garrot. T'aimes me sentir et gémir, sentiment chimique. Tu m'as boudé pendant des mois quand j'ai sorti et j'ai ri, m'accusant de révéler au grand jour notre intimité. Mais qui peut t'imiter? Qui tu continues de m'intimider? On se dispute en voulant l'inverse, on profite même pas du moment. Je vois bien que tu me mens, même quand t'es là tu me manques. Alors on le supplie, l'amour on ne le fait pas, l'amour on le subit. T'es vraiment qu'une petite conne, tu dis que je l'ai séduit toute. Quand t'es pas là, je suis un junkie, j'attends que les aiguilles tournent. Mais ton absence est la pire des présences, un avenir déplaisant, une dépression qui s'abat sur notre navire de plaisance. Complètement déboussolé, est, ouest, nord, sud. Croquer la vie à pleines dents, condamné à une mort sûre. Sans ton reflet dans mes yeux, ma vie ne ressemble à rien. Passion secrète pareille à une nuit de noces en mariage. Se faire des marques et des frissons qui font saigner la lèvre. On se fait du mal, mais tes cris ne sont pas des appels à l'aide. T'es plus connu que moi, t'es folle, tu me demandes si je fais ça pour briller. Je ne sais pas pourquoi les hommes détruisent tout ce qu'ils veulent s'approprier. Je pourrais t'offrir des fleurs, mais les tiges seraient déjà mortes. Tu commences ta petite crise, le litige, c'est ton déshonneur. Comment oses-tu mettre des bribes de notre histoire dans tes sommes morts? Chérie, chaque fois que j'écris, c'est des crimes que je désamorce. Ouais, t'as les yeux revolver, le sourire désarmant. J'avais aucune